Bon, alors c'est écoute anthropologique, le 5 décembre, deuxième partie. Donc on a affaire à un champ où il y a des échanges et dans ces échanges-là, il apparaît un objet qui va permettre aux autres objets d'avoir leur valeur, qui va faciliter les échanges entre les autres objets. Cet objet-là, ça peut être un objet, ça peut être quelqu'un, ça peut être un individu, ça peut être... Mais que ce soit un objet ou que ce soit un individu, dans un champ structuré comme ça, il a une certaine psychologie. C'est-à-dire que cet objet apparaît dans le calcul comme étant une valeur d'usage à l'état pur. Hein. Et donc j'avais écrit la formule, la célèbre formule de Marx. Bon, on va séparer le tableau là pour ne pas mélanger. C'est la valeur d'échange de A qui est égale à valeur d'usage de B. Donc là, on a la marchandise A et la marchandise B. Et la marchandise B va donner sa valeur à la marchandise A. Et la marchandise B apparaît dans l'équation comme une valeur d'usage, c'est-à-dire que c'est la matérialité, le corps de la marchandise B qui va incarner la valeur de toutes les autres marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que B n'est qu'un corps. Elle n'est qu'un corps. Elle n'a pas le droit d'être autre chose qu'un corps. Alors que A, C, D, E, toutes les autres marchandises, elles ont un corps, mais au-dessus de ce corps, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont une valeur d'échange. Donc, grâce à B, l'ensemble de toutes les autres choses acquiert une valeur d'échange. Voilà. Alors, pour que B devienne B, pour que une marchandise quelconque dans un ensemble A, B, C, D, E, pour que cette marchandise B devienne le symbole de la valeur de tout l'ensemble, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Alors, il faut que B soit un objet comme les autres, c'est-à-dire qu'il soit consommable, mais il faut en même temps qu'il ne soit pas consommé, que personne ne se sente le droit de le consommer. Pourquoi? Parce que il incarne la valeur. Si on le consomme, tout l'ensemble des valeurs de tous les autres va disparaître. Hein? Donc, alors, pour que B devienne B, il faut faire sentir à B le fait qu'il est consommable et que il n'a pas été consommé. Il faut le lui faire bien comprendre. Et pour le lui faire comprendre, même si c'est une marchandise, on va le menacer de mort. On va lui dire, toi B, je pourrais te consommer, mais je ne te consomme pas. Alors, ce matin, on a évoqué la ressemblance entre ce qui arrive à B et les traumatisés, les gens qui sont traumatisés, qui ont vécu un traumatisme. Les gens qui ont vécu un traumatisme, si ils restent attachés à leur traumatisme, c'est précisément parce que ils sont élus. Le traumatisme les a élus à une position exceptionnelle, celle d'incarner quelque chose pour le gars qui les a traumatisés. Ils sont le modèle, l'idéal de leur prédateur. Hein? Pour ça que quand c'est une prédation sexuelle, l'enfant qui est élu en position de B par le prédateur sexuel, eh bien, il est attaché au prédateur sexuel. Il a conscience que son corps incarne quelque chose d'extrêmement important. Hein? Ou bien celui qui même subit un choc violent, c'est la même chose. Mais dans ces cas, par exemple, l'enfant qui est victime d'un prédateur, le prédateur consomme son corps d'une certaine façon. Je pourrais te consommer, mais je ne te consommerai pas. Mais dans ces cas, oui, il le consomme. Je te donne une valeur, c'est ça. Le prédateur. Il le consomme, c'est vrai, mais en même temps, il l'a élu. Il ne l'a pas tué. Il l'a consommé sexuellement, mais il, ce faisant, il lui a démontré que son corps... Consommer dans le sens d'éliminer, c'est comme avaler absolument, non? C'est mourir. Oui, enfin... Mettons que dans ce cas-là, le fait de consommer n'élimine pas la marchandise complètement, ne la fait pas disparaître. C'est-à-dire quoi? Quand on consomme sexuellement quelqu'un, on peut le consommer une autre fois après. Oui. Hein, donc on... C'est pas comme une nourriture qu'on mange, une fois qu'on l'a mangée, on ne peut plus la manger. Ça, donc, ce qui compte, c'est que après, le traumatisé, il se sent comme potentiellement consommable, potentiellement attractif. Hein? Alors qu'avant, il s'en foutait, il pensait pas être attractif. Là, il est capable d'être attractif et donc il sent que son corps en tant que tel a une valeur pour une, voire plusieurs personnes. Le monde entier, quelquefois. Hein? La victime d'agression sexuelle voit n'importe qui comme potentiellement son prédateur. Hein? Parce qu'il sent qu'il incarne une certaine valeur sexuelle. Et donc, voilà. Donc. Alors. Ça, c'est mon opinion, c'est-à-dire c'est ma façon de voir les choses. Les anthropologues du XXe siècle et Freud ont essayé d'imaginer comment il se fait que B devient B. Comment ça se passait? Et la plupart des fois qu'ils ont imaginé les choses, ils ont surtout pensé que l'objet, un premier objet était tué, qu'il était dévoré, et que c'est le deuxième objet qui devenait B. Hein? Par exemple, le père de la horde est tué, il est dévoré, et à sa place vient l'animal totémique. Donc, l'animal totémique, c'est B, qui vient à la place du père de la horde. C'est leur façon d'élire B en tant que B. Donc, hein. Ou bien René Girard qui parle de... De du bouc émissaire. Hein? Dans la Bible, chez les Juifs, on parle du bouc émissaire. On prend un animal, puis on le tue avec violence. Et l'ensemble des gens qui ont contribué au meurtre, si je peux dire, forment groupe. Parce que l'animal qui a été tué a été élu B par le crime qui a été commis sur lui. Hein? Ça, c'est la façon dont on a essayé d'imaginer comment B pouvait devenir B. Ou bien on peut penser aussi dans la Bible, on a les enfants d'Abraham, par exemple. Il y a un premier enfant qui s'appelle Ismaël, et lui, il est envoyé dans le désert, c'est-à-dire que virtuellement, il est tué. Et puis, il y a un deuxième enfant qui arrive, qui s'appelle Isaac, lui, il est seulement menacé de mort. Hein. Donc, il y a, au XXe siècle, pour imaginer cette question de B, là, on a toujours imaginé deux événements. En tout cas, voilà. C'est à peu près comme ça que les anthropologues et les psychanalystes du XXe siècle ont imaginé les choses. Moi, je propose une solution, au fond, plus simple, qui me vient de Marx. Hein? Marx, dans la théorie de la valeur, là, dans le Capital, il dit que dans une économie d'échange, il y a toujours une unité monétaire qui surgit. Et j'estime que c'est une façon beaucoup plus simple de résoudre le problème que de passer par un double meurtre ou des trucs comme ça. Mais si, je ne sais pas, dans une famille, un père a quatre filles puis qu'il en abuse une, il n'y aura qu'une fille qui aura la valeur d'usage, puis les autres resteront dans... On peut le transposer jusqu'à nous? Oui, pourquoi pas. Enfin, moi, là, on parle de celle qui a été abusée, celle qui a été élue, finalement. Oui. Mais si, à mon avis, si on voit je pense, si on voit ça du côté de la famille, ça donne une nuance de valeur entre les filles aussi. Mm-hmm. Ce qui est la plus proche à cette fille abusée, ce qui est la plus loin, ce qui pareil un peu, ce qui a... C'est-à-dire que, effectivement, celle qui a été abusée et dont il a été su qu'elle a été abusée suscite un énorme intérêt. Elle est surveillée par les autres. Et quand la deuxième fille se fait abuser, là, il y a comme un... C'est ça. Souvent de sacrés problèmes qui arrivent parce qu'elle n'est pas contente d'avoir été supplantée, même si, en tout cas, c'est toute une histoire. Mais bref, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que je voudrais aussi retourner à l'économie d'échange et envisager cette économie d'échange lorsque les objets qui sont échangés sont les apparences ou l'image du corps. Lorsque l'image du corps est l'objet qui est échangé, les échanges ont une forme extrêmement particulière qui est la naissance au fond de on peut dire du monothéisme, mais bon. C'est-à-dire que... Alors, on sait que l'animal totémique, c'est un animal qui suscite l'inhibition et l'intérêt. Hein? C'est ça, sa vertu première. Alors, les gens qui sont dans un groupe dont l'animal totémique est, je ne sais pas, n'importe quoi, là, ils auront tendance, pour se protéger de la prédation des autres, ils auront tendance à se déguiser en animal totémique. Si je me déguise en animal totémique, je vais susciter l'inhibition chez mes confrères, mes collègues, puisque ils s'inhibent quand ils voient l'animal totémique et ne vont pas le tuer. Donc, ils vont faire la même chose avec moi, ils vont se déguiser en animaux totémiques pour se protéger. Puis là aussi, quand il y a un ensemble de gens qui se déguisent en animaux totémiques, il y en a un qui va se dégager de l'ensemble, qui va se déguiser en animal totémique mieux que les autres. C'est un peu le même système, vous voyez, quand il y a une économie d'échange, il se dégage toujours un qui incarne la valeur pour les autres. Alors ce nouvel élément, c'est le sorcier, le prophète, qui va incarner pour les autres l'animal totémique, pour tous les autres. Alors quand lui sera habillé en animal totémique, les gens du peuple, ils n'auront plus qu'à porter des macarons, des petits signes, des Einzigerzug, des traits unaires, disant que je suis de ce totem. Donc, je n'ai pas besoin de mettre tout l'accoutrement du totem, il me suffit de mettre un macaron du totem, et ça suffira, puisque le sorcier, lui, il va avoir l'accoutrement complet. Et le macaron que moi je vais porter va rappeler le sorcier et l'accoutrement du sorcier, et donc va susciter l'inhibition voulue. Donc, alors, le prophète se trouve être à ce moment celui qui est regardé par tout le monde, par tout le peuple. Il est celui qui a tout l'accoutrement de l'animal totémique, et c'est celui qui va susciter l'inhibition pour tous les autres. Okay? Donc il est dans une position qui est comparable à celle qu'on a vue dans B. Il va incarner dans son corps l'inhibition pour tout le peuple. Donc il va être dans une situation d'être regardé sans pouvoir rien regarder lui-même, puisqu'il incarne la totalité des choses. Il est regardé, mais il ne peut pas regarder en retour. Alors, ce prophète-là, pour pouvoir se dégager de cette situation embarrassante, il va inventer Dieu. Il va dire, oui, il y a un Dieu que moi je peux regarder. Vous, vous me regardez, mais moi je peux regarder Dieu, et Dieu peut me servir d'inhibiteur. Si on ramène dans des organisations, est-ce que maintenant on pourrait mettre un patron puis un chef d'entreprise en haut? Ou? Oui, enfin c'est une structure triadique qui peut fonctionner là. Dans différents. Comme la mère, le père. C'est ça, là on a l'enfant, la mère, le père. Et, Mais moi, il y a un bout de. J'ai la misère à comprendre. Parce que je me dis, le patron, il voit ses employés, puis ses employés le voient. Hein? Je me dis, si on mettra un patron, les employés voient le patron, mais le patron, il voit ses employés. C'est le... On dirait que c'est en ça, principe, je comprends. En principe, les employés ne voient pas le patron. C'est le patron qui voit les employés. Okay. Les employés, ils ont à montrer au patron qu'ils font bien leur travail. Alors, supérieur. Oui, c'est ça. Ils ont à faire tout le nécessaire pour satisfaire le patron. De la même façon que le peuple des humains font tout le nécessaire pour satisfaire Dieu, pour prier Dieu, pour rêver Dieu, pour donner à voir, à entendre, à goûter, à sentir. Ils font des sacrifices à Dieu. Il faut qu'ils convainquent Dieu d'être gentil avec eux. C'est ça. Bon, et là, il y a aussi l'objet métonymique. L'objet métonymique, cet objet que le prophète ou le sorcier tire de Dieu et qui est la preuve qu'il a été en contact avec Dieu. Alors pour Moïse, c'est l'étape de la loi. Pour Mahomet, c'est le Coran. Pour la mère, c'est le phallus. Pour le Christ, c'est le Christ. Hein, c'est les deux natures du Christ. Le Christ humain tire sa, la preuve, l'objet métonymique, c'est le Christ divin. Hein. Ça, c'est une exception qui fait que le prophète et l'objet métonymique sont identiques. C'est la, la seule circonstance où cette chose s'est passée, et c'est le concile de Chalcédoine en 451 qui a décidé de cette égalité-là. Voilà à peu près où on en était ce matin. Là, j'ai fait un survol rapide pour que vous puissiez catcher. Donc, ça va, je sens qu'il y a beaucoup de questions dans, dans ta tête, Tamara. Mmh. Ça va, tu arrives à... Oui. D'accord. Bon, à l'origine, il y a donc un dispositif triangulaire. Les sommets du triangle sont le peuple des fidèles, le guide fondateur et le Dieu. Le peuple des fidèles, nous l'avons vu précédemment, se constitue autour d'un animal totémique quelconque. L'éventail des animaux totémiques est immense. Le guide fait partie du dispositif qui interdit l'entre-dévoration et qui favorise l'échange des marchandises. Enfin, les échanges entre les gens, le peuple. Le guide incarne la notion de totalité pour le peuple des fidèles. En ce sens, il est l'image de l'unité irréductible du peuple. Irréductible, ça veut dire non réductible par la dévoration. C'est-à-dire que son travail, c'est de maintenir la cohérence du peuple. Il ne peut pas tolérer que quelqu'un mange un autre. Hein, le guide se montre. Il se montre au peuple, mais en même temps, il sollicite l'existence d'un Dieu au nom duquel il va parler et se montrer. Il va créer un objet métonymique divin qui sera l'insigne de son pouvoir, délégué à lui par le Dieu. Ce pourrait être un sceptre, l'étape de la loi, le Coran ou le phallus, comme on l'a vu. Il importe de savoir si l'objet métonymique appartient au Dieu ou au guide. Selon l'un ou l'autre cas, les choses peuvent changer considérablement. Le Dieu est une création du guide. Il parle au peuple à travers le guide. Hein? Et se montre seulement au guide. À charge pour ce dernier de transmettre au peuple ce qu'il a vu et entendu. C'est-à-dire qu'il y a deux façons, deux modèles de circulation là-dedans. Il y a je regarde et j'écoute et je sens et j'entends et je donne à voir, je donne à entendre, je donne à sentir et je donne à goûter. Hein? C'est Bon, mettons que ce sens est le sens, on peut dire, actif, et le sens inverse, c'est le sens, mettons, passif, on pourrait dire ça comme ça, pour bien clarifier les choses. C'est un peu le mysticisme, bien de cet autre sens. Comme donner, oui. S'est donné à Dieu, c'est voilà. S'est laissé, ok. C'est ça. Alors que le regard, regarder, écouter, comprendre, tout ça, c'est plus dans ce sens-là. C'est plus phallique, c'est ça. Ça donne voilà. La possibilité d'une position au phallus. Ouais. D'importance, c'est ça. Le Dieu est affublé de toutes les qualités et de tous les défauts de son peuple. Il a en particulier une soif de stimulation de tous ses sens. Hein, c'est-à-dire que le problème avec Dieu, c'est qu'il est difficile à contrôler. Il a toujours envie de bouffer les gens du peuple. Alors il faut vraiment le calmer, il faut vraiment l'apaiser par des sacrifices, par des odeurs, toutes sortes de choses qui visent à le calmer. Si Dieu est menaçant à l'égard de son peuple, il peut provoquer toutes sortes de calamités sans qu'on en comprenne vraiment la raison. Le peuple cherche à décrypter les desseins de Dieu, à le comprendre. Grâce à la transmission de sa parole par le truchement du guide et du prophète. Hein, c'est que si le peuple donne à voir à Dieu, Dieu donne à voir au prophète. Hein, et le prophète donne à voir au peuple. Vous voyez? Alors, le prophète est en position d'écouter Dieu et de l'expliquer au peuple. Vous voyez? Mais il peut aussi chercher à amadouer le Dieu en lui offrant des sources de stimulation multiples sous forme de prières ou de sacrifices. On peut aussi penser que les rêves sont un donné à voir et à entendre qui s'adresse à Dieu dans une sorte de prière intime que la psychanalyse apprendra à décrypter. Mais elle apprendra à décrypter ses rêves quand Dieu aura été écarté. C'est-à-dire, au début du XXe siècle, quand on a décidé qu'il fallait séculariser le monde et qu'on allait écarter Dieu, on s'est aperçu qu'il y avait tout un potentiel de choses qui n'avaient plus aucun sens, comme le rêve qui s'adressait à Dieu. Et comme le Dieu n'était plus là, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, et c'est là que Freud est arrivé pour saisir ce qui était comme laissé en plan par la disparition de Dieu. Parce qu'il a perdu ce qui était adressé, les rêves. Voilà, donc, c'est ça. Il a cherché. Il faut trouver quelqu'un pour un destinataire, un nouveau destinataire. Et le nouveau destinataire, c'était Freud. Bon, Lacan dira que tout cela s'adresse au grand autre. Hein? Dieu, il l'a appelé le grand autre. Ainsi, le Dieu parle et se montre au guide. Le guide se montre et parle au peuple des fidèles. Enfin, le peuple parle et se montre au dieu. En sens inverse, le dieu regarde le peuple regarde le guide, et enfin le guide regarde le dieu. Bref, celui qui regarde, écoute et écoute, doit se taire, ou plutôt, celui qui parle et montre, s'adresse à un être qu'il ne voit pas et n'entend pas. Donc, moi je rêve et je montre à Dieu, mais je ne vois pas Dieu. Par contre, j'écoute et je vois quelqu'un que je peux voir, forcément. D'où la nécessité du dispositif analytique du divan. Celui-ci traduit en acte le schéma triangulaire. Celui auquel je m'adresse, celui auquel je donne à voir par mes rêves et mes associations libres, n'est pas le même que celui que je regarde et que j'écoute. Et là, on a le psychanalyste. Et là, on a Dieu, là, on a le patient qui est sur le divan. Mais le divan, celui qui est sur le divan, il ne parle pas au psychanalyste. Il parle à quelqu'un qu'il ne voit pas. C'est pour ça que le dispositif du divan nous met devant quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça produit un peu, ça reproduit les structures. Ça. Exactement. Ça, c'est le grand autre de latin, l'autre à qui on parle. Oui, ça c'est le grand autre. Dans l'analyse des prix entre les deux, entre le peuple, oui, entre les sujets, et c'est grand autre que si vient le... C'est ça. Donc l'analyse fonctionne aussi en, comme phallus, je dirais, il rentre, il met en jeu ça. Cet objet de champs phalliques, cet objet, je ne sais pas, de champs. L'objet métonymique. Métonymique, c'est ça? Oui, il pourrait. Ok. Il pourrait se mettre dans cet axe-là. Mais s'il se met dans cet axe-là, ce n'est pas une bonne affaire. Dans quel sens de faire ça? C'est-à-dire, si au lieu d'être à l'écart, il se met ici et qu'il coupe le chemin qui va vers le grand autre. Oh, bien sûr, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il se prend pour un autre, comme on dit. C'est ça. C'est un peu ce qui fait parfois la psychologie comme telle, qui coupe ça, qui coupe ses travails. Donc, C'est ça. Il se prend pour un autre. Eh bien, il y a une expression en québécois. Quand on dit de quelqu'un, il se prend pour un autre, ça veut dire il se croit quelqu'un. Mais dans la circonstance, ça tombe bien, parce que si l'autre, selon l'expression de Lacan, c'est Dieu. Oui. Et si il se prend pour Dieu, hein, quand on dit il se prend pour un autre. Puis quel est l'objet métonymique du psychanalyste, par contre, là, pour montrer qu'il était en contact avec les écrits? Oui, Freud, qui sait, hein? Moi, je le vois, peut-être comme l'interprétation aussi, je ne sais pas. Oui. C'est ça que, parce que il faut faire avec ce que le peuple donne à Dieu. Donc ça retourne, et quand ça retourne, comme en même temps, c'est ça qu'on donne aussi avec l'écoute, cette écoute à Dieu, je ne sais pas. Et c'est à chaque moment, ça change, ce n'est pas un objet comme tel qui est en jeu tout le temps, c'est un objet métonymique, ce qui fait mettre en marche ça et continuer ça, c'est l'interprétation. Tout à fait. Les désirs, je ne sais pas comment. Exactement, c'est-à-dire que Le psy, il donne la preuve qu'il a été en contact avec Dieu en donnant une interprétation. Hein? Il dit, Moi, je suis. L'état du Je suis en contact avec Dieu et bon. Disons que le fait qu'il interprète fait partie du système. Ça ne sort pas du système triangulaire. C'est le rôle du prophète est d'interpréter Dieu, c'est vrai. Donc il n'y a pas de problème. Il ne se prend pas pour un autre en faisant ça. En faisant une interprétation, il ne se prend pas pour un autre. Il dit simplement, je suis en contact avec l'autre. Et bon, à partir de quand il se met là, puis il bloque le chemin, bon, c'est à voir, là, je ne sais pas trop. Alors, celui auquel je m'adresse, celui auquel je donne à voir, n'est pas le même que celui que je regarde et que j'écoute. Celui qui me répond n'est pas le même que celui auquel j'ai adressé la question. La réponse me parvient par l'intermédiaire d'un médium, le psychanalyste. Donc je pose une question et la réponse me vient par le psychanalyste. Si mon prochain croit que c'est à lui que j'adresse mes questions, il se trompe lourdement. En me répondant en son nom propre, il se prend pour un autre. Voilà, au fond. C'est-à-dire que si, au fond, le moment où l'analyste coupe le chemin, c'est quand il croit que la question lui est adressée à lui. Ce serait peut-être la... Exactement. Et en fait, il pourrait aussi se dire que sa présence favorise le questionnement au grand autre, mais qu'il peut quasiment juste interférer. Tu sais, quand on dit que la fin de l'analyse, c'est quasiment quand il devient le trou, tu sais. Il... Oui, c'est ça. Faut qu'il tende à stimuler la question, mais sans justement... Sans interférer, oui. Et parfois, j'écoutais des gens, des analystes qui parlent comment quelques analysants, une fois qu'ils sont fait un grand, ou quelques gens avec qui ils ont fait un travail, et l'analyste sort de ce enjeu d'une façon assez intéressante, oui. Dans le sens que parfois les gens le voient comme rien. C'est, tu peux quasiment dire à ton analyste, laisse-moi faire mon analyse tranquille. C'est ça. Ne me parle pas. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est toi. Mais bon, ça c'est quand même à prendre avec un petit grain de sel. Parce que le client, lui, il ne sait pas qu'il est dans ça. Il sait inconsciemment peut-être, mais il ne sait pas nécessairement consciemment, à moins qu'il étudie la psychanalyse. C'est ça. Puis s'il se trouve dans un trop grand isolement, ça donne au phénomène des dimensions narcissiques qui peuvent être un peu problématiques. Il est tout seul, puis... Personne ne peut l'aider, puis il est tout puissant, puis il est traumatisé d'être... En tout cas, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est ça. C'est pas simple. Il faut pas trancher là trop rapidement. L'espace du regard, comme nous le connaissons aujourd'hui, est plutôt limité. Il se borne à l'axe peuple-guide. Notre univers culturel, si vous voulez, qui a été tranché par Descartes depuis la modernité, c'est ça. Nous vivons là-dedans. Les autres éléments ont été écartés de notre anthropologie, si je puis dire. C'est le peuple qui regarde le guide porteur de l'objet métonymique. Les deux autres axes sont du côté métaphysique et ne peuvent donner lieu à une perception sensible pour le peuple. Telle est la structure du fait religieux. Le christianisme et surtout le chalcédonisme va modifier progressivement cette structure triangulaire. Rappelons qu'en 452 ou 451, à la veille de la chute de l'Empire romain, qui, je vous rappelle, est tombé en 475, a eu lieu, donc en 452, le Concile de Chalcédoine. Celui-ci a statué sur la double nature du Christ après les nombreuses hérésies qui portaient toutes sur la question de la nature du Christ. Il a également statué sur la valeur égale des capitales des deux empires romains, Rome et Constantinople. Il a décidé que Rome et Constantinople étaient les deux capitales de même niveau de l'Empire romain. De la même façon qu'il a décidé que Jésus avait deux natures, une humaine et une divine, il a décidé que l'Empire romain avait deux capitales, Rome et Constantinople, qui étaient d'égale valeur. Ce jugement de Salomon a eu un effet très important sur l'histoire du christianisme. Nous allons voir comment cette décision, ou plutôt l'interprétation scolastique qui a été faite par l'Église catholique, qui en a été faite par l'Église catholique, a eu un impact majeur sur la structuration du fait religieux. Mais bon. Et voyons d'abord où se situe la double nature du Christ dans notre schéma. La nature humaine du Christ se situe à la place du guide, tandis que sa nature divine se situe au niveau de l'objet métonymique qui fait transition entre le guide et Dieu. Cette nature divine vient à la place du Coran pour l'islam ou l'étape de la loi chez les Hébreux. Jusqu'ici, le christianisme se comporte comme les autres religions. Les deux branches de gauche de notre schéma triadique se comporte de la même manière. C'est la troisième branche qui subit une modification. Le lien direct entre le peuple et Dieu se trouve tout à coup médiatisé par le Christ. C'est ça qui est particulier dans le christianisme occidental. C'est que le Christ vient se mettre ici avec, ici on a le divin et ici on a l'humain. Vous voyez? Alors mon rapport à Dieu n'est plus là. Ça devient mon rapport au Christ. C'est ça le propre du christianisme, c'est que je n'ai plus un rapport avec un Dieu qui pourrait m'emmerder, qui pourrait m'envoyer des calamités, qui pourrait ceci ou cela. Je suis en rapport avec un Christ qui est super gentil, qui me garantit que son père est aussi gentil que lui. Donc tout l'aspect inquiétant et mystérieux qui liait autrefois le peuple à Dieu a été écarté par le christianisme. Pour décrypter les desseins de Dieu, il sera de moins en moins souhaitable de s'adresser directement à lui et de décoder les signes qu'il nous envoie. Ce contact immédiat tombe progressivement en désuétude ou bien est relégué au rayon du mysticisme et de la superstition. C'est-à-dire, si je me mets à faire des sacrifices à Dieu pour le calmer, ou ça devient de la superstition, ça devient du mysticisme. Il y a comme un mouvement qui est apparu avec la modernité, c'est-à-dire aux environs de 1500, qui a éliminé le rapport difficile que les gens avaient avec Dieu avant. Je ne comprends pas comment on fait pour voir ça, ou comment vous faites pour voir ça. Je comprends. Moi, je manquais quelque chose dans les deux. Ben, écoutez, c'est très simple. Qu'est-ce que dit le christianisme? C'est que Dieu est infiniment bon et infiniment miséricordieux. Mm-hmm. Mais comme c'est le prêtre, ça, qui est entre les deux. Non, c'est le Christ. Oui, c'est un peu comme la théologie, la conception. Doctrinaire un peu, c'est une idée de pétanisme, ça marche comme ça. J'imagine que ça prend des connaissances en théologie plus grandes. Moi, j'allais à messe quand j'étais petite, mais sinon, je comprends pas. Ok, vous n'êtes pas familière avec ça. Moi, les religions, tout ça, c'est pas des choses que je connais. Ok. Fait que c'est comme des cadres, on dirait qu'ils sont loin de ma réalité. J'ai la misère à intégrer ce genre de cadre-là. Je déconnecte même de la psycho. Là. Je me demande comme pourquoi on apprend ça. Mais bon. C'est-à-dire que ce que vous connaissez, c'est la version laïque de ça. Vous comprenez? Faut pas croire que ça ne vous touche plus. Vous vivez dans une version laïcisée de cette formule-là. Oui, absolument. Okay. Donc, c'est les mêmes concepts, mais qui ont d'autres noms. Okay. Comme des gens qui sont dans des démarches spirituelles, qui vont faire du yoga, de la méditation, qui sont dans ce nouveau... Enfin, là, on est un peu dans l'histoire. On essaye de comprendre un certain nombre de choses qui ont eu lieu, qui nous atteignent aujourd'hui encore. C'est qu'il y a une formule beaucoup plus avantageuse que la formule triangulaire qui passe par les deux natures du Christ. Au lieu de se livrer aux caprices du Dieu en essayant de l'amadouer et de le deviner, on a un Christ-Dieu qui a été touché par les doigts de Thomas et qui peut intercéder en faveur du peuple auprès du Dieu. Le centre de l'attention n'est plus le désir ou le dessein du Dieu, il est plutôt dans la double nature du Christ qui se présente comme le moteur de l'action. Le peuple regarde le guide, certes, comme autrefois, mais au-delà du guide, en filigrane, il va voir le Fils de Dieu lui-même. Donc, on a un univers anthropologique qui se limite à ça. On n'atteint plus Dieu le Père. Hein? Il n'aura plus besoin de prier le Dieu et s'interroger sur ses desseins, puisqu'il va l'avoir sous les yeux. Le parallélisme des deux natures va permettre d'agripper le domaine divin pour le cerner de questions. Plus besoin de prières adressées au Dieu, des questions suffisent adressées au Christ qui transmettra au Dieu. Celui-ci répondra par le même canal, par oui ou par non. Donc là, on a le modèle de l'apparition de la science avec ce champ-là. Hein, c'est là-dedans que le questionnement scientifique va apparaître et va venir recouvrir totalement le canal mystique qui était là autrefois et qui était prévalent. Le canal mystique, le canal de la prière, est irrémédiablement médiatisé par Jésus-Christ. La prière devient question physique qui doit se refléter sur le plan métaphysique. La réponse revient par le même canal en se reflétant sur le plan physique. C'est là que la science devient une prière à laquelle on a une réponse. C'est une question qu'on pose à Dieu et Dieu nous répond. Hein, c'est la TCC. La TCC. Tout ceci n'est rendu possible que par le fait que Dieu a changé. Ce n'est plus Yahvé, ce n'est plus Baal ou Moloch, c'est Dieu. C'est Dieu le Père qui est bienveillant et miséricordieux. Mais comment peut-on changer Dieu? Est-ce que l'homme peut ainsi changer Dieu au gré de ses caprices? Est-ce qu'il peut le rendre bienveillant parce qu'il est fatigué de sa sévérité? Pour opérer cette métamorphose, le christianisme a usé d'un subterfuge qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui jusqu'à présent n'avait pas été appliqué à Dieu. Ce subterfuge n'est pas une simple supercherie, il nécessite une longue explication. Bon. Baal et Moloch, c'est les dieux d'avant Yahvé, hein? C'est les dieux qu'il y avait avant Yahvé. On ne savait pas vraiment. Baal et Moloch, pardon, exigeaient, on ne sait pas vraiment dans quelles conditions, des sacrifices d'enfants. On peut supposer qu'il s'agissait du premier-né. En sacrifiant le premier-né et en ne sacrifiant pas le deuxième, on s'assure tout de même que le deuxième est menacé de mort, mais que le geste n'est pas totalement accompli. De telle sorte à ce que ce deuxième enfant va servir d'animal totémique à une innombrable progéniture qu'il rassemblera autour de lui. Donc ce que je vous disais tout à l'heure à propos du père de la Horde, à propos du bouc émissaire, existe déjà dans l'Ancien Testament avec le premier-né qui est tué, on pense à Ismaël, et le deuxième-né qui n'est pas tué, on pense à Isaac. C'est le modèle de ce qui s'est passé pour Abraham, Ismaël et Isaac. Ismaël, perdu dans le désert, est supposé être mort à la demande de son père, alors que pour Isaac, la menace de mort suffit à le transformer en unité de valeur de la descendance d'Abraham. On peut également supposer que si Abraham a tellement tardé à procréer, c'est qu'il n'était pas très enthousiaste à l'idée de devoir sacrifier son premier-né. C'est pour les mêmes raisons que Dieu a longtemps hésité à envoyer son Fils sur terre. Puis, lorsqu'il s'est décidé, il a envoyé deux fils. Alors, c'est une primeur pour vous, là, quand je vous dis que Dieu a envoyé deux fils et non pas un. Le premier de ses fils était Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste, il a annoncé sa venue à son père, Zacharie. Vous connaissez ces histoires-là ? Un peu, je ne me souviens pas. Mais c'est parce que Jésus, c'était le cousin de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste, c'est ça. Mais Jean-Baptiste a été annoncé et Jésus a été annoncé. Hein? Mm-hmm. Les deux ont été annoncés par un ange. Donc c'est la parole de Dieu qui est intervenue pour les faire naître. Okay? Sauf que Jean-Baptiste, son père Zacharie, a couché avec sa mère pour l'enfanter. Alors que Jésus, non, c'est la parole de Dieu toute seule qui l'a fait naître. Alors que pour Jean-Baptiste, c'était la parole. Le premier de ses fils fut Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a de fait été sacrifié, puisqu'on lui a coupé la tête par une sorte de circoncision de la tête. Vous savez qu'il est mort, on lui a coupé la tête. C'était Salomé qui a demandé sa tête à son père, peut-être, non ? À Hérode, Hérode qui était le chum de sa mère. Ouais. Exactement. Alors, puis le deuxième fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour bien marquer qu'il était un animal totémique consommable, mais non consommé. Si Dieu est devenu miséricordieux, c'est qu'il est devenu père pour l'humanité. Avant Jésus-Christ, Dieu n'avait aucun rapport de filiation avec les humains. Il était dans le ciel et il n'y avait pas de lien. Mais là, avec Jésus, il envoie son fils. Donc il a un lien direct avec son fils, avec le monde. Si Dieu est devenu miséricordieux, c'est qu'il est devenu père pour l'humanité. Chaque humain, recevant sa valeur d'humain de Jésus-Christ, son fils, il serait malvenu de la part de Dieu de l'oublier en cherchant à dévorer ceux qui sont devenus ses enfants. Ce qui est radicalement perdu dans le rapport à Dieu, c'est la branche de droite du schéma, celle où le peuple se donne à voir, se donne à entendre, bref, se donne à sentir à un dieu, ou plutôt à une déesse, parfois bienveillante, mais souvent capricieuse, appelée Yahvé. Le peuple et Yahvé ont simultanément disparu. Les deux branches de gauche du schéma se sont rabattues sur la branche de droite pour l'escamoter. Ce qui reste, c'est un Jésus-Christ humain qui est l'animal totémique de l'humanité et un Jésus-Christ divin à travers lequel Dieu perçoit l'humanité. Ce qui mène le processus à son sommet, c'est quand il s'avère enfin que c'est le miroir qui en symbolise le mieux l'essence. Hein? Là, on aura un miroir. Un miroir des deux côtés, d'ailleurs. Le cheminement du regard n'est plus unidirectionnel et asymétrique. Avec Calcédoine, le regard devient bidirectionnel. C'est le règne du miroir qui commence à prévaloir. c'est la modernité qui aura le privilège de rencontrer le miroir et d'en faire un usage exponentiel. Descartes sera le premier à considérer la conscience spéculaire au noyau de la démarche scientifique. Il va éliminer de son champ de vision tout ce qui n'est pas sûr, tout ce qui n'est pas contrôlable par le regard et la conscience. C'est-à-dire que Descartes va se mettre ici et il va dire, pof, tout ça, ça vaut rien. Il y a juste ça qui compte. Il y a juste la conscience que j'ai, le regard que j'ai qui compte. Puis on n'aura plus besoin de Dieu, puisque par l'effet du miroir, on pourra se servir soi-même dans tous les domaines. Ce double schéma va nous permettre de comprendre bien des choses dans la suite. On peut dire d'ores et déjà que le christianisme d'Occident s'est plutôt centré... Le double schéma, c'est parce que... il n'y a plus de place, là. Quand je dis le schéma de droite, c'est de celui-là qu'il s'agit. On peut dire d'ores et déjà que le christianisme d'Occident s'est plutôt centré sur le schéma de droite, alors que le monde oriental, chrétien, musulman ou juif, s'est plutôt centré sur le schéma de gauche. En particulier l'Église orthodoxe, qui insiste beaucoup sur la Trinité, pour ne pas se laisser influencer par la dualité du schéma de droite. Mais ils ne pensent pas les orthodoxes par rapport à la nature de Christ, c'est ça? Il n'est pas humain ou... Non, ils ne contestent pas ça. Mais les orthodoxes, ils ont une insistance très grande sur la question de la Trinité. Ok. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pour eux un élément important là, du paysage religieux. Parce qu'ils refusent l'effet de miroir. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes très importants avec la question du filioque et la question des iconoclastes. Ils ont eu des querelles qui ont duré plusieurs siècles autour de l'éventualité de se limiter à ce schéma. Et ils ont refusé absolument. Ça leur a pris plusieurs siècles pour bien marquer qu'ils appartiennent aux deux schémas. Et pas seulement celui de droite. Mais ça a donné des guerres, vraiment des guerres. Euh, Pour conclure, de façon plus générale, nous venons d'explorer le cas où l'animal totémique serait utilisé dans une perspective de protection collective. Il se trouve que lorsque l'animal totémique est utilisé comme objet partiel, c'est-à-dire dans un contexte où il n'est pas détachable du corps, il rend nécessaire le passage par l'échange triangulaire, hein, on a vu. Et quand de plus l'objet partiel en question est l'image du corps, l'échange triangulaire est capable de construire la structure du phénomène religieux. L'animal totémique peut aussi être utilisé dans les échanges comme objet détachable de celui qui le possède. Dans ce cas, il peut progressivement devenir une unité monétaire d'échange. Les deux structures ontologiques sont extrêmement différentes, la structure triangulaire et la structure favorite de l'Orient, alors que la structure binaire chalcédonienne a déterminé considérablement l'Occident et lui a permis de se réinventer durant la Renaissance. C'est Descartes qui a déplacé la pensée occidentale de façon décisive sur le versant duel chalcédonien. Quand il dit « cogito ergo sum », il assume qu'il aurait pu ne pas être, mais que, la pensée aidant, il a survécu au non-être. Hein? Vous voyez combien nous sommes proches de la définition qu'on s'est donnée de B, ou de l'animal totémique. C'est quelqu'un qui peut être détruit, mais qui ne l'est pas. Hein? Et donc Descartes arrive en disant « cogito ergo sum », c'est-à-dire « j'aurais pu ne pas être, mais puisque je pense, alors je suis ». Donc Descartes se présente comme étant l'animal totémique de la modernité. On reconnaîtra ici l'indice indubitable de l'animal totémique qui aurait pu disparaître, mais n'a pas disparu. Grâce à cet animal totémique, qui n'est autre que lui-même pensant, il va faire exister un nouvel univers ontologique peuplé de certitudes, toutes issues de la certitude d'être que lui a inspiré le cogito. Il aurait pu s'arrêter en ce point, mais il a éprouvé la nécessité de faire agir son cogito jusqu'au bout. Il a trié dans son espace ontologique les êtres qui sont semblables au cogito pour les distinguer de ceux qui sont dissemblables. Et en s'aidant de la fameuse phrase de Parménide, « l'être est et le non-être n'est pas », il a scindé son espace ontologique en deux parties, avec d'un côté le res cogitans et de l'autre le res extensa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a trié le monde en deux parties, la chose pensante et la chose étendue. Hein? Il a scindé le monde en deux parties. Étendu, pourquoi? Je n'ai pas compris bien. Parce que c'est l'espace. L'espace, la matière. Okay. C'est de l'espace, en fait. Cette décision présentait l'inconvénient d'évacuer tous les êtres qui appartiennent également au corps et à l'esprit. Puisque le res cogitans, c'est la matière pensante, c'est le corps. C'est l'esprit. Alors que le res extensa, la matière étendue, c'est le corps. Donc toutes les choses qui appartiennent aux deux n'existe plus. C'est ça le problème, c'est ça l'inconvénient de Descartes. En revanche, son système présente l'énorme avantage d'introduire dans le res extensa un très haut niveau d'homogénéité. C'est-à-dire que la matière devient extrêmement homogène. Elle n'est pas habitée par de l'esprit. Elle est pure matière. Alors qu'avant, la matière pouvait être habitée par de l'esprit. Hein? L'avantage de l'homogénéité étant qu'elle oblige à introduire les mathématiques, sans lesquelles ces ensembles homogènes ne seraient aucunement manipulables. Pourquoi on a arithmétisé le monde, pourquoi on a mathématisé le monde? Parce que auparavant, on l'avait rendu homogène. Et quand on a affaire à une matière homogène, on est obligé de la mathématiser, on est obligé de la caractériser par des chiffres, puisque la qualité de cette matière ne peut pas me permettre de la manipuler. L'ensemble des qualités de cette matière est uniforme. Je ne peux pas distinguer des qualités différentes. Donc je suis obligé d'introduire des quantités pour pouvoir manipuler cette matière homogène. Je sais bien que c'est Galilée qui, quelques années avant Descartes, a introduit les mathématiques dans l'abord de la nature, mais les deux penseurs étaient très proches, et on pourrait aisément attribuer à Galilée des conceptions comparables, ou que Descartes a mis en mots ce que Galilée pensait implicitement. Il est tout à fait logique de dire que l'idée d'un chiffrage de la nature s'est imposée de lui-même lorsqu'on a eu à comprendre des substances totalement homogènes qui ne pouvaient plus dès lors se différencier par la qualité, mais uniquement par la quantité. Voilà pour ce qui est de la structure du fait religieux. Bon. Peut-être que cette partie est terminée. Si vous voulez, je sais pas, discuter ou poser des questions à propos de cette partie-là. Ça veut dire comme culture, surtout occidentale, on est pris dans cette dimension physique du regard à cause de cette structure de relation entre ce qui est l'inconnu, la médiation, les valeurs d'échange. C'est ça un peu que je prends comme résumé. Oui, que ce serait le regard qui aurait déterminé la structure triadique. On est dans une structure triadique quand même, mais changée déjà à partir d'une dimension visible de l'inconnu. C'est comme, il faut les voir. Il ne faut pas savoir, il faut savoir. C'est comme... C'est-à-dire que je pense que le voir est devenu majeur okay. à partir de Descartes. Okay. Parce que le voir a exclu le donné à voir. C'est ça le... À partir du moment où on a exclu le donné à voir, évidemment, le voir est devenu hyper important. Mais avant, le voir et le donné à voir coexistaient. Tu vois? Et en se débarrassant du donné à voir, on a rendu le voir bidirectionnel. Il y a eu un effet de miroir entre le ciel et la terre, si tu veux. Entre Dieu et le peuple, il y a eu un effet de miroir. On s'est retrouvé dans cette structure-là, la structure de droite. Et la structure de gauche est devenue une structure problématique, pesante, qu'on veut écarter, qui nous emmerde. Et on veut plutôt rester de ce côté-là, parce que c'est simple, c'est facile. Ceux qui s'occupent de cette partie, on dirait que c'est les philosophes, les gens qui veulent comprendre à quoi ça sert. Tout est déjà, toutes les réponses sont là, alors pourquoi aller se poser des questions hein? Oui, c'est... Donc, on est pris pour ces sorties. C'est réflexe, duel des images, on dit en français révolte, non, on, c'est comme le, quand on... Un rebond, c'est oui. Pas, oui, oui. Dans les images, on ne peut pas, et c'est une multiplication de la même chose tout le temps, de la même chose. C'est ça. Je pense à ça un peu. On voit ça, c'est comme une multiplication de une répétition des images. Quand je pense à la culture de ça, tout ça, il faut voir, on est pris par l'image, les marchés, l'image du corps, l'image des choses, échanger, mais on ne sort pas facilement de ça. On est dans le même, tout le dans temps. Le même registre tout le temps. En même temps, je pense comme la clinique, comme il faut s'éloigner de ces positions où même les gens veulent nous mettre avec ces demandes. La demande d'un patient, c'est toujours une demande d'aide-moi à voir. Quand je ne vois pas, je veux voir. Donc, généralement, on donne quelque chose à voir et c'est la même chose, ça change rien. Mais ça calme, mais ça aide pas. Peut-être qu'on pourrait faire un petit peu de clinique, je pense que ça ferait un peu de bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée d'un cas qu'on pourrait analyser, qu'on pourrait nous raconter? Autrement, j'ai quelqu'un auquel je pense, mais là, il faudrait peut-être arrêter.